Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 90e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la réponse que Mohammed donne à Khalid qui l'interrogeait sur la nature des 5 prières accomplies quotidiennement par les musulmans. Comme pour le cours précédent, il est important ici de nous remettre dans le contexte du dialogue afin de saisir le sens de la dernière réplique de Mohammed. في اليوم خمس صلوات ما هي هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. Comme nous l'avons vu précédemment, Mohammed informe Khalid dans ce dialogue qu'il y a 5 prières que les musulmans doivent accomplir chaque jour. في اليوم خمس صلوات. Khaled lui demande ensuite de lui donner des précisions sur la nature de ces 5 prières quotidiennes en disant « Mahi ». Quelles sont-elles ? Mohammed l'informe donc ensuite sur le nom de chacune de ces 5 prières. « Hiya subhu, wa dhuhru, wal asru, wal maghribu, wal isha ». Cette réponse de Mohammed est donc composée d'un total de 10 termes. « Hiya » qui est un pronom personnel de la troisième personne du singulier féminin, qui correspond au pronom personnel « elle » en français, mais qui peut également remplacer un nom pluriel non doué de raison et correspondre dans cette situation en français au pronom personnel « il » ou « elle » au pluriel, comme nous l'avons expliqué dans le cours précédent. « As-subhu » qui signifie « aube », c'est-à-dire le moment où apparaissent les premières lueurs du jour. « Wa » qui est une particule dont le rôle consiste ici à simplement associer le nom qui la suit à celui qui la précède à la manière de la conjonction « et » en français et qui est répétée à 4 reprises dans cette réplique de Mohammed. « Al-dhuhru » qui signifie « midi » ou « milieu de la journée », c'est-à-dire le moment où le soleil commence à décliner. « Al-asr » qui possède différentes significations en langue arabe mais qui, dans le contexte de ce dialogue, correspond à la dernière partie de la journée quand le soleil décline vers l'horizon avant qu'il ne change de couleur et qu'on pourrait désigner en français par l'après-midi ou plus exactement la fin de l'après-midi. Al-Maghrib qui désigne le moment ou le lieu où le soleil se couche et qu'on peut traduire en français par occident, couchant ou simplement coucher du soleil. Al-Isha qui désigne le début de la nuit, c'est-à-dire le moment à partir duquel le ciel est totalement obscurci et qu'il ne reste plus de traces de la lumière du jour, et qu'on peut traduire en français par « soir » ou « début de la nuit ». Dans le contexte de ce dialogue, les termes « al-subh »,« al-dhuhr », »,« al-asr », »,« al-maghrib » et « al-isha » correspondent aux moments de la journée et de la soirée dans lesquels les musulmans accomplissent leurs 5 prières quotidiennes. On peut donc construire le nom de chacune de ces prières en annexant le nom « salah » qui signifie « prière » au terme qui désigne le moment où il est accompli. Salat al-subh, la prière de l'aube. Salat al-dhuhr, la prière de midi. Salat al-asr, la prière de l'après-midi. Salat al-maghrib, la prière du coucher du soleil. Et enfin, salat al-isha, la prière du début de la nuit. Pour en venir au sens de cette réplique de Mohammed, le contexte nous indique que le pronom personnel « hiya » représente le titre de ce dialogue, c'est-à-dire « As-salawat ul-khams » qui signifie « les 5 prières ». Comme ce pronom personnel remplace un nom pluriel non doué de raison, il correspond en français au pronom personnel « elle » au pluriel. Il est ensuite suivi des noms des 5 moments où sont accomplies les 5 prières quotidiennes, séparés par la particule de coordination « waw » que l'on peut remplacer en français par une virgule lorsqu'il y a plus de 2 termes juxtaposés. Dans ce contexte, on n'a pas besoin d'indiquer le nom Salah avant le nom de chacune des prières, puisqu'on sait déjà que la question de Khaled porte sur les prières, comme lorsqu'on dit Sallaytu Subh, qui veut dire littéralement j'ai prié l'aube, mais qui sous-entend en réalité Sallaytu Salat Subh, j'ai prié la prière de l'aube. On pourrait donc traduire cette phrase en disant elles sont les prières de l'aube, de midi, de l'après-midi, du coucher du soleil et du début de la nuit, ou encore avec une tournure plus soignée, ce sont les prières de l'aube, de midi, de l'après-midi, du coucher du soleil et du début de la nuit. Comme nous l'avons observé dans les dialogues précédents, ce type de phrase qui décrit un état plutôt qu'une action n'est composé que de noms et de particules, et n'a pas besoin d'exprimer explicitement le verbe être qui est sous-entendu. Hiya subhu, wal dhuhru, wal asru, wal maghribu, wal isha. Ce sont les prières de l'aube, de midi, de l'après-midi, du coucher du soleil et du début de la nuit. Voilà pour aujourd'hui, ce 90e mini-cours d'arabe est maintenant terminé. On se retrouve Inch'Allah la semaine prochaine avec le 91e mini-cours dans lequel nous étudierons deux nouvelles répliques de ce dialogue entre Khalid et Mohammed. Wassalamu alaikum.